Amis auditeurs, amis auditrans, amis auditrices. Bonjour. La gauche a-t-elle un sens dans un monde globalisé? Tentative d'éclaircissement de notre situation politique. Par Michael Félicite. Troisième partie. Écoutez. Néo-stalinisme. Différents événements ont réduit à néant l'espoir que le monde communiste établi à l'Est donnait au monde. De Solzhenitsyn à travers son livre « L'archipel du Goulag », Solzhenitsyn, « L'archipel du Goulag », Seuil, 1974, au courant antitotalitaire qui associait facilement le communisme et le fascisme comme deux régimes identiquement totalitaires, en passant par les découvertes établies définitivement après la chute du mur de Berlin, camp de travail, Goulag, etc., tout cela a laissé sans voix les défenseurs de ce socialisme à l'ancienne. De plus, la guerre froide et la lutte culturelle que menaient les États-Unis contre leur rival soviétique n'a pas servi à rendre aisé ce sujet. De nos jours, la réouverture de l'historiographie russe reste encore très marginale, mais il est indéniable qu'elle a toute sa légitimité. L'intellectuel de référence de ce milieu-là demeure certainement Lénine. L'originalité de ses analyses se décompose en deux temps. D'un côté, il y a l'œuvre qui anime de l'intérieur ce mouvement reste sans aucun doute, impérialisme, stade suprême du capitalisme Lénine, impérialisme, stade suprême du capitalisme, le temps des cerises, 2001. Affirmant que le capitalisme parvenu à un certain stade en arrive, nécessairement, à créer des monopoles, ces derniers en viennent, par la suite, à se concurrencer, ce qui produit, enfin, des luttes au sein même de l'oligarchie dans le but de conquérir des territoires et encore plus de pouvoirs exclusifs. Cette grille d'analyse explique remarquablement, avouons-le, les différentes conquêtes coloniales qui eurent lieu au XIXe siècle. Notamment, le partage de l'Afrique entre les pays européens. D'un autre côté, en complément à cet ouvrage fondateur, la solution qu'il apporte est développée dans son texte, Que faire ? Lénine, Que faire ? Science marxiste, 2009, dans lequel il explique que pour lutter contre cet empire qui est censé structurer nos vies, seule la prise de pouvoir par l'État est légitime. Cet ajout marque un réel apport à la conception orthodoxe du marxisme, qui par sa vision purement mécaniste de l'histoire, se dispense de vouloir d'intervenir particulièrement dans celle-ci. Ici, on remet en question l'idée selon laquelle il faut absolument que les conditions objectives soient favorables pour faire la révolution. C'est en ce sens que l'on parlera de « marxisme-léninisme », on récupère la théorie matérialiste de l'histoire, des rapports de production de Marx, et on ajoute la logique impérialiste et en plus l'intérêt de l'intervention de l'État pour modifier ses structures. Encore très peu de gens savent que Lénine n'était pas juste un homme politique, mais aussi un grand théoricien, comme le prouve son immense œuvre et ses filiations notamment avec sa disciple R. Luxembourg. Par exemple, son ouvrage comme « Matérialisme et empirico-criticisme » s'inscrit au cœur de controverses philosophiques qui animent encore la scène intellectuelle contemporaine. Ce texte réfute, à lui tout seul, toutes les traditions empiristes, pragmatiques et analytiques et leurs variantes qui tendent à devenir la pensée officielle de nos universités. En montrant qu'on ne peut concevoir la réalité qu'à partir de l'expérience, puisque celle-ci est toujours déjà construite par des rapports de classe, ce dernier entend démontrer que l'empirisme était la pensée adéquate à la pensée bourgeoise. De Berson à W. James, on discute ce que nous prenons, aujourd'hui, pour une évidence. On peut voir aussi chez Staline l'auteur d'un corpus théorique non négligeable. Au début du siècle, il n'y avait pas de distinction entre un homme de terrain et un homme d'idées, séparation qui marque, au passage, un tournant radical dans notre vision de la politique. Cette gauche que l'on pourrait qualifier de néo-stalinienne, en supposant que Staline a accompli un travail déjà commencé par Lénine, se démarque assez radicalement des autres, en ancrant son discours dans une réalité historique précise. Elle affirme l'État, elle anti-impérialisme, mais refuse les États-nations afin de se fixer comme but la sortie définitive de la logique du marché. Elle considère la suppression de la propriété privée comme un élément central, ce qui fait que pour elle la défense de la nation et la régulation de l'économie par une autorité législative restent des caractéristiques du capitalisme à l'ancienne. Au même titre que Lénine dénonçait déjà la défense de la nation comme un « chauvinisme bourgeois », pour elle les questions culturelles sont mises totalement de côté, refus qui provient d'une lecture purement matérialiste de l'histoire, et jamais à la fois spirituelle et matérielle, culturelle et physique. Politiquement, aujourd'hui, un parti représente ces intérêts-là, le PRCF, Parti de Refondation du Communiste Français. Il est présidé par G. Gastaud, auteur de différents ouvrages, dont Marxisme et Universalisme, tout à fait stimulant. Ce rassemblement se propose de sortir de l'Europe, de l'euro, de l'OTAN et eux en plus, du capitalisme, ce qui, en face du programme de nos autres camarades, paraît pour une fois radical. Ici, G. Marchais fait figure de grand homme politique, alors qu'il est absolument honni par les autres. Détail qui en dit long sur l'inconscient des autres gauches. Se réunissant souvent à la libraire des Tropiques à Paris, on peut voir émerger différentes figures. Tout particulièrement, Annie Lacroix-Harry, qui avec ses études sur l'oligarchie de l'entre-deux-guerres, ses différentes préfaces, est devenue à elle seule la grande représentante de ce milieu. Historienne de formation, elle s'efforce à remettre sur pied l'histoire réelle de l'expérience du communiste en Russie. Elle dénonce, entre autres, l'implication de la synarchie, élite bourgeoise composée d'industriels et des banquiers, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle critique très rigoureusement les bases de la construction européenne qu'elle met en relation avec la volonté américaine de nuire à la menace soviétique. Ses interventions sont capitales pour les tenants de cette ligne politique. De même, une personnalité importante en tant que directeur et fondateur des éditions d'Elga, Émeric Monville s'est fait remarquer par quelques essais pertinents sur l'évolution de la gauche. Disciple de M. Kluskar, il continue cette même critique en dénonçant la dérive libertaire via le prisme de l'évolution de la société industrielle vers une société permissive pour la consommation, répressive pour la production. Tout est permis, d'un point de vue des mûres, des idées, mais rien n'est possible, du point de vue des améliorations pour les travailleurs / producteurs. Cet auteur, trop injustement méconnu, est un des premiers à parler de conception libérale-libertaire du capitalisme contemporain et même à être allé jusqu'à développer la nouvelle manière dont le désir et la séduction se déploient dans notre nouvelle vie quotidienne. Tous ces thèmes sont déjà à l'opposé de nos deux premières conceptions de la gauche contemporaine, lesquelles demeurent aveugles au mécanisme de récupération du désir qui, pour eux, est fondamental dans la contestation. On trouvera à la suite des auteurs comme D. Pagani et F. Negroni, autres disciples de Kluskar, qui animent des conférences dans le but faire connaître sa pensée. Les éditions d'Elga représentent leur plus grand moyen de diffusion. Elles éditent toute une série de textes en sécession avec les deux autres versants de la gauche contemporaine et représentent à chaque fois un intérêt réel pour les questions brûlantes. On note ainsi celui de Geoffrey Robert, Les guerres de Staline, qui est certainement une des références les plus importantes actuellement dans ce paysage. Il entend rétablir une lecture de l'histoire soviétique indépendante de l'historiographie classique, à propos d'un sujet éminemment capital que sont les différentes guerres qui opposèrent l'Allemagne et la Russie. Ce dernier étant tellement à contre-courant qu'il y a même eu une polémique 28 autour de questions de censure à l'Université Paris 1. Dans le même sens, une œuvre capitale intitulée « Khrouchtchevamenti, Grove Fur, Khrouchtchevamenti, édition d'Elga, 2014 de Grove Fur pointe du doigt le fait que le procès qui a été fait à Staline et tous les crimes qui lui ont été imputés étaient en réalité basés sur de faux témoignages. Ou encore deux ouvrages plus contemporains qui osent aborder des sujets que les deux autres camps n'osent pas entrevoir, à savoir l'instrumentalisation américaine à des fins géopolitiques. À cet effet, tuer une nation. L'assassinat de la Yougoslavie, Michael Parenti, Tuer une nation. L'assassinat de la Yougoslavie, édition d'Elga, 2014 de Michael Parenti et Ukraine, le coup d'État, Stephen Landman, Ukraine, le coup d'État, édition d'Elga, 2014 de Stephen Landman marque un réel effort d'élargissement de la perspective dominante chez les autres représentants de gauche. Il va de même pour les livres de De Losurdo, grand marxiste italien, rare représentant de la ligne marxiste-léniniste en Europe. Ses ouvrages sur le libéralisme, la novlangue américaine, demeurent des livres tout à fait passionnants. On peut remarquer à travers cette classification que plus la gauche est connue, moins elle est dérangeante. Cette troisième ligne politique est peut-être de toute la plus intéressante. Mais d'un point de vue politique, elle reste absolument marginale. Le néo-stalinisme consiste à rétablir une lecture alternative de notre conception des phénomènes communistes à l'Est au cours du XXe siècle. Théoriquement, on peut remarquer aussi que bien que Lénine ait anticipé à travers sa notion d'impérialisme la mondialisation économique, il ne pouvait voir toutes les évolutions culturelles, identitaires, technologiques, géographiques, naturelles que tout cela allait apporter. Il ne pouvait, en plus, prédire Internet, qui modifie notre rapport au monde, ni la pollution, ni l'éclatement des tissus culturels. Fils de son époque, il a vu loin, mais pas assez pour anticiper notre devenir. Mais ceci étant dit, ce courant reste affligé de la plus grosse erreur de Marx qui consiste à croire que l'histoire est le résultat de la lutte de classe. En vérité, cette dernière est le produit des cultures, des intérêts différents, des identités hétérogènes. Les rapports marchands n'interviennent que très rarement. On ne peut expliquer les différentes luttes religieuses par de simples conflits économiques, mais par la volonté proprement humaine de s'incarner dans le monde. Au fond, cette gauche ne veut pas dépasser la grille de lecture marxiste, ce qui l'a conduit à interpréter des événements actuels avec un schéma obsolète. Notons aussi que beaucoup des thèmes abordés par ce mouvement sont traités par ce journal capital qu'est Le Monde diplomatique. Ce dernier se situerait à mi-chemin entre notre deuxième gauche et celle-ci. Il aborde en plus des thèmes comme ceux de la manipulation de l'information, des médias par SLMI, objet absolument occulté de tous les autres, comme si cela n'était pas vraiment important. La gauche a-t-elle un sens dans un monde globalisé? Par Michael Félicité. Fin de la troisième partie. C'était une sélection Radio Parasite. À bientôt et grosse bise numérique.